C'est dommage, on pas gain compétence. Yon pays pour non diriger, c'est étranger qui a passé nos corps. Yon pays qui était tellement belle, yon fait copier des hommes pour le tourner aux poubelles. Vagabond passé au vieux malandrin, pour être un petit monnaie, yon fout de fin d'après. Salier, rise up! C'est dommage, on pas gain compétence. Yon pays pour nous diriger, c'est étranger qui a passé nos corps. Yon pays qui fait tellement bien, yon fait combinaison pour le sommeil couvert. Vagabond passé au vieux malandrin, on fait tout petit coup d'œil, on faut tout faire entre l'air. Comment science? Ça vient pour changer tout bon monde. Relax. The beat. Yo me yo méchant, yo méchant, yo méchant, yo méchant, yo méchant, yo méchant, yo vous des gens, yo méchant, yo méchant, yo vénéré, yo méchant, yo méchant, yo méchant. Let's go.